es arrivé en t'annonçant 9 mois auparavant. Oui, je suis là, caché dans ce ventre blanc, mais cependant, ta mère et moi, on ne savait pas qu'on t'avait rapporté dans nos valises, petite Élise. Ce soir, c'est pleine lune dans le berceau, la nuit est tombée, fait dodo. Pomme d'amour, cet enfant-là, c'est l'amour qu'il a voulu. Comme notre amour, les yeux sont bleus, les petites oreilles sont pointues. Ta jolie maman a su te garder longtemps, bien nos choses sous sa chemise, petit Élise. Ce soir, c'est pleine lune dans le berceau, la nuit est tombée, fait dodo. À ta naissance, j'étais là, j'ai tout vu, mais j'ai rien compris. Cette souffrance pour donner quoi, une poule et puis ce cri. Toute ridée comme une vieille pomme d'hiver, qu'un rayon de soleil iris divise. Ce soir, c'est pleine lune dans le berceau, la nuit est tombée, fait dodo. Je suis persuadé que les années, les jours, les mois n'y changeront rien. Je ne saurais jamais comment deux coffres donner trois, et c'est très bien. Mais que t'aides à pousser simplement gentil pommier, là où l'amour t'a mis, petite Élise. Ce soir, c'est pleine lune dans le berceau, la nuit est tombée, fait l'odeur.